L'anatomie est-elle en passe de devenir une science du passé? Depuis quelques années apparaissent de nouveaux outils, des tables de dissection numérique pour les étudiants en médecine qui permettent de pallier l'absence de corps, mais aussi de donner une expérience enrichie, plus détaillée, moins coûteuse également, de la découverte des arcanes de l'anatomie humaine. En arrivera-t-on à former des médecins sans qu'ils n'aient jamais touché de cadavre? Est-ce la transformation d'une discipline qui, après avoir été interdite par l'Église pendant plusieurs siècles, a déjà connu quelques révolutions avec les progrès de l'imagerie, du microscope au rayon X, en passant par le scanner 3D. Anatomie, une discipline à corps ouvert, c'est le sujet que nous allons décortiquer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire de l'anatomie sous toutes ses coutures, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici, à la Maison de la Radio à Paris, Jacqueline Vons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes latiniste, historienne des sciences, professeure honoraire à l'Université de Tours et présidente d'honneur de la Société française de médecine. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos collègues de la RTS à Lausanne avec Vincent Barras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, historien et directeur de l'Institut des Humanités en médecine à Lausanne. Vous êtes l'auteur de Anatomie de Vésale au virtuel. C'est aux éditions BHMS. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur les ondes ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors pour commencer, des étudiants en médecine qui termineraient leur cursus sans aucun contact physique direct avec un cadavre. Ça a l'air étrange comme ça. Pourtant, c'est une réalité. C'est déjà le cas en Espagne. Est-ce que ça veut dire, Jacqueline Vons, que l'anatomie telle qu'on la connaît et telle qu'on l'a pratiquée pendant des siècles, voire des millénaires, est en train de vivre sa dernière révolution? Alors, il faut s'entendre sur le sens du mot anatomie. Bon, si je prends l'anatomie au sens de connaissance du corps, la discipline existe, bien entendu, elle est nécessaire à tout chirurgien, à tout médecin. Si je prends l'anatomie au sens que vous venez de définir comme synonyme de dissection, il est vrai que dans beaucoup d'universités, on ne pratique plus la dissection, ou alors elle est réservée à quelques groupes, et le volume total des heures d'enseignement de l'anatomie, donc enseignement théorique, a effectivement diminué. Je vous dirais que, par exemple, à Tours, d'où je viens, il existe un essai absolument unique, je pense, qui s'appelle Anthropotomia, dont je vous avais déjà parlé, et dont les étudiants ont créé un e-manuel remplaçant en quelque sorte les manuels que nous avons connus et qui ne seront pas comme Rouvière, mais qui sont un guide pas à pas, soit pour faire une dissection, soit pour se préparer à une dissection. Et ça correspond en gros à ce que Vésale avait fait pour ses étudiants avec les Pitomées. Donc un manuel de dissection, mais avec un vocabulaire adapté à nos jours, et des techniques évidemment tout à fait différentes. Vincent Barras, votre point de vue sur cette transformation de la pratique de l'anatomie dans les écoles de médecine tout au moins? Alors il faut déjà noter que dans l'histoire il y a eu des périodes où les médecins ne disséquaient pas forcément ou très peu. Donc il y a eu toutes sortes de fluctuations dans l'importance accordée à l'anatomie comme exercice pratique sur le cadavre dans les écoles de médecine. C'est sûr que ces dernières années, pour sans doute un nombre, ou ces dernières décennies, pour un nombre complexe de raisons, la numérisation, les nouvelles technologies, mais aussi la difficulté d'accès aux cadavres, d'avoir le matériel qui est nécessaire, la multiplication du nombre des étudiants, ça a eu tendance à se réduire un peu généralement sur l'ensemble de la planète, avec des endroits où, comme vous avez cité l'exemple de Madrid, mais il y a bien d'autres exemples dans le monde aussi, où les étudiants ont plus contact direct qui était celui qu'ils avaient, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, cette idée qu'il faut absolument avoir un contact nécessaire, c'est une histoire assez récente et assez fluctuante. Il n'est pas du tout prouvé, ni certain, ni en tout cas permanent, que les étudiants aient dû ou doivent ou devront avoir un contact direct avec le corps en tant que du cadavre. On a tendance à penser, ou en tout cas les reproches qui sont exercés disent que finalement le contact avec la mort, avec un corps d'une personne personne décédée fait partie de l'enseignement, ne serait-ce que symbolique. Et puis par ailleurs, dans l'histoire de l'anatomie que nous allons narrer au cours de cette heure, c'est bien l'un des tabous, en tout cas l'un des interdits qui fait que l'anatomie a été interdite, la dissection des corps humains a été interdite pour des raisons symboliques très puissantes par l'Église pendant de nombreuses années, voire pendant de nombreux siècles, Jacqueline Vons. Oui, elle a été interdite, mais peut-être moins qu'on ne veut bien le dire. Il est évident que les autopsies ont eu lieu même pendant le Moyen-Âge, mais c'était là une dissection pour trouver une cause réelle à la mort. Et même lorsque les leçons publiques d'anatomie, les fameuses leçons d'anatomie de la Renaissance et du XVIIe siècle, elles n'étaient pas interdites par l'Église. L'Église était présente, assistait à ces leçons. Ce qui a été interdit, ce sont les leçons privées, la recherche... vraiment la recherche anatomique, la leçon d'anatomie ne montrait mais ne cherchait pas, n'avait pas de but heuristique précis. Vincent Barras, votre oui. point de vue à ce propos-là, sur cette espèce de dimension finalement sacrée du corps qui a été effectivement très désacralisée, vous l'avez dit, depuis un temps assez récent dans les écoles de médecine, mais c'est vrai que toute l'enseignement en médecine contemporaine, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, repose en grande partie sur les salles de dissection, sur le contact direct avec le corps humain et avec ses organes. Oui, en tout cas, dans les premières années, en tout cas, c'est inscrit dans le curriculum des premières années de médecine, la première ou la deuxième, ça dépend les programmes et les pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire déjà à la fin du XIXe siècle. Mais avec toujours d'autres fonctions que celles du seul apprentissage, à vrai dire, et pour avoir moi-même passé par ce processus, à un moment où on en a eu vraiment beaucoup, en tout cas dans mes études que j'ai faites à l'Université de Genève, eh bien, il m'est jamais apparu évident que le contact régulier avec le cadavre et l'exploration soit finalement d'une utilité majeure pour l'enseignement de la médecine et pour apprendre la médecine. En réalité, les aspects symboliques étaient peut-être presque aussi importants que les aspects purement scientifiques, parce que l'anatomie, je l'apprenais... Et les jeunes étudiants aujourd'hui l'apprennent encore sur les livres ou sur l'écran, beaucoup, pas uniquement en salle de dissection. Quant à la question de donc ces aspects anthropologiques, si on veut, ou symboliques, sûr. Effectivement, ils sont extrêmement cruciaux pour nous aujourd'hui, pour la formation des étudiants en médecine. C'est une occasion de se confronter à la mort, ça c'est évident, de réfléchir. Mais on n'est plus dans le cadre de l'apprentissage de l'anatomie elle-même, mais plutôt que l'apprentissage que l'anatomie peut nous faire sur d'autres conditions de la vie humaine, ou de la mort en l'occurrence. Et de ce point de vue-là, je rejoins parfaitement Jacqueline Vons qui dit bien que l'Église n'a pas réellement interdit la pratique de la dissection, c'est une sorte de mythe qui court, mais elle a toujours encadré le contexte anthropologique, si vous voulez, elle est présente, elle ne l'interdit pas, elle interdit certaines à certains moments, certaines pratiques comme le démembrement des corps, ce qui est différent, mais pas la question de l'étude de l'anatomie. La question de l'étude de l'anatomie et de son interdiction est beaucoup plus complexe que simplement un interdit par l'Église, par exemple. Eh bien, nous allons raconter cette histoire, mais pas seulement depuis le Moyen-Âge. On va remonter bien en amont et puis on reviendra tout à l'heure à la fin de l'émission sur ces nouvelles techniques et ce que permet aujourd'hui le développement des outils numériques et de la 3D. Mais remontons le temps. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h, bientôt 10 minutes, nous parlons de l'histoire de l'anatomie tout au long de cette heure dans la méthode scientifique en compagnie de Jacqueline Vons et de Vincent Barras. On trouve des traces très sommaires, mais des traces tout de même de connaissances anatomiques très loin dans l'histoire de l'humanité et des civilisations, bien même avant l'histoire des civilisations. D'ailleurs, on en trouve jusqu'au paléolithique supérieur, Vincent Barras. Oui, on en trouve dans les restes, en tout cas dans les civilisations non écrites ou les cultures non écrites, dans ce qui peut nous rester des corps de ces cultures non écrites, à savoir des fragments osseux dans lesquels on a certaines preuves que des trépanations, donc des ouvertures de la boîte crânienne, ont été réalisées, y compris du vivant des personnes, puisque ça on a aussi le moyen de le prouver par la microscopie, que le tissu de réparation de l'endroit où on enlevait le bout de calotte crânienne c'est continué du temps du vivant de la personne en question. Et on a beaucoup de peine à savoir quel est le sens de ces manipulations-là. On n'a pas d'autres contextes. On suppose que c'est fait dans un cadre, disons, religieux, avec tous les guillemets qu'il faut là autour. Mais ça implique une certaine connaissance du corps humain et de son anatomie telle que nous l'entendons aujourd'hui, à savoir... de quoi est composé un crâne, est-ce qu'il y a quelque chose dessous. Donc on a toutes les raisons de penser que bien avant les civilisations écrites et les traces écrites d'un savoir anatomique, eh bien, il y a eu des pratiques anatomiques, au sens fort du terme, à savoir manipulation des corps vivants ou morts éventuellement. Jacqueline Mons. Oui, d'ailleurs, c'est un des leitmotifs des médecins de la Renaissance, c'est qu'au moment des rois égyptiens, forcément, s'il y avait embaumement, il y avait pratique anatomique. Donc, c'est vrai que Vincent Barras a raison, la pratique anatomique à but religieux est probablement très ancienne. Je pense aussi qu'elle existait à but chirurgical. On pouvait ouvrir le trépané, par exemple, pour soulager une tumeur, par Absolument, exemple. Absolument, oui. Il y avait aussi, je dirais, une anatomie basique, celle des os. On trouve des os au bord des chemins, on trouve des os plus tard au Moyen-Âge sur les gibets. Donc tout cela créait quand même une connaissance partielle, mais réelle, du corps humain, au moins de son squelette. On peut dire qu'effectivement, pour arriver effectivement aux premières civilisations écrites, la civilisation qui montre la maîtrise la plus surprenante, la plus complexe, la plus aboutie de l'anatomie, c'est indiscutablement, Vincent Barras, l'Égypte antique, via, comme vient de le dire Jacqueline Vons, la momification, les pratiques médico-chirurgicales. Les Égyptiens avaient une connaissance du corps humain manifestement très avancée pour l'époque. Alors, moi, j'évite toujours de parler d'avancée pour l'époque, pardon, parce que très précise, époque a... disons très précise, disons très précise, avancée. Chaque évidemment époque a l'avancement qu'elle mérite, on dira, précise certainement. Et là, on a surtout, on a les moyens de l'attester, à la fois parce qu'on a les momies qui nous sont conservées dans un état assez présentable pour certaines, ainsi qu'un certain nombre de textes. Alors moi-même, je ne suis pas capable de déchiffrer les reliefs, mais des collègues le font et attestent d'un savoir, par exemple ophtalmologique, donc d'une connaissance précise de l'anatomie de l'œil, qui leur permet effectivement de réaliser un certain nombre d'opérations. Et on a les témoignages, je dirais, sur pièce, de ces corps de dignitaires, d'empereurs ou de gouvernants égyptiens qui se font embaumer. Et avec les technologies contemporaines, on est même capable de savoir ce qu'ils ont fait sans devoir à notre tour, encore une fois, disséquer ces momies, par exemple en les faisant passer dans des scanners ou des choses comme ça, ce qui a été fait avec beaucoup d'intérêt par beaucoup de ces spécialistes de radiologie contemporaine. Et là, on voit, effectivement, et on peut essayer de reconstruire la logique de ces savants qui sont des prêtres, des embaumeurs ou toute une série d'artisans du corps, de travailleurs du corps, si on veut, qui savent exactement comment faire parce qu'il s'agit pour eux de prélever. Donc l'embaumement implique une ouverture du corps par différentes voies, par le haut, par le bas, par les cavités abdominales par exemple. Le prélèvement de certains organes considérés comme sacrés, le foie, le rein, le cœur, le poumon. Et on retire ces organes, on les met dans des vases qu'on appelle les vases canopes à côté de la momie. Donc tout ça, si je vous mets vous devant un cadavre, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'avez pas de connaissances, de gestes, de techniques pour le faire. Les Égyptiens, certains de ces artisans spécialisés ont ces connaissances effectivement très précises et on peut attester de ce fait-là d'une anatomie extrêmement spectaculaire à nos yeux, disons, du corps par à certains moments de la civilisation égyptienne. Jacqueline Vons, on trouve pour le coup effectivement, alors non pas des traités, on va voir que les traités anatomiques c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard dans l'histoire des civilisations, mais en tout cas dans l'Égypte antique, des descriptions très précises de ces actes chirurgicaux que vient d'écrire Vincent Barras. Oui, et puis je passe au monde romain, et Vincent Barras a très justement montré le rôle religieux qu'on pouvait avoir après avoir prélevé tel ou tel organe. Les Romains, les aruspices, le travail sur le foie, tous les organes servaient à la religion, à l'interprétation, ce qui peut expliquer que l'anatomie, la dissection anatomique, n'était pas quelque chose de banal. Elle était tout de même réservée à une certaine élite ou un certain savoir. Dans un registre sacré. Dans un registre sacré. Mmh. Peut-être qu'il est aussi important de préciser l'un et l'autre, hein, Jacqueline Mons et Vincent Barras, que quand on parle d'anatomie, et pendant très longtemps jusqu'au XVIIe, XVIIIe, voire XIXe siècle, on va parler d'anatomie descriptive, c'est-à-dire que on sait décrire les organes, mais on a très très très peu d'idées, ou vraiment des rudiments d'idées sur l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien comment le corps fonctionne. Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Jacqueline Mons. Non, pas tout à fait. Ah bon, alors très bien, mais alors expliquez-moi pourquoi. Mais pas tout à fait, parce que que je dirais même qu'à la limite, on a essayé d'expliquer la physiologie avant même de connaître l'anatomie, ce qui est évidemment pour nous un non-sens. Mais si je prends les traités du Galien, l'utilité des parties du corps, tout est expliqué en fonction d'un but. La main, par exemple, parce qu'elle a une action préhensile, alors même que l'anatomie descriptive, comme vous dites, n'existe, n'est pas encore tout à fait au point. Ce qui n'existait pas, c'est l'anatomie topographique, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on travaille par région. Alors que très souvent dans les traités, je pense à celui de Galien, il y a le traité des muscles, le traité des os. Donc on divise le corps selon ses composantes. Vincent Barras, vous n'étiez pas d'accord tout à fait non plus avec cette distinction entre anatomie fonctionnelle et descriptive. Et physiologique, oui. Disons, je pensais en particulier à Galien, qui a déjà été mentionné par Jacqueline Vance, effectivement, qui est dans des ouvrages qui sont absolument spectaculaires, quoique peu connus, parce qu'une bonne partie d'entre eux ne sont même pas traduits, éventuellement en latin, mais pas en français. Eh bien, il fait montre d'un savoir et d'une spéculation physiologique extrêmement poussée, sur le modèle d'ailleurs de ses prédécesseurs, dont Aristote le tout premier. Aristote n'a pas disséqué de corps humain, autant qu'on sache. Il a énormément disséqué de corps animaux et il a pu établir les bases d'une physiologie fonctionnelle et comparative, dont certains, qui à nos yeux n'est plus valide. C'est ça, là il faut bien reconnaître qu'il n'a pas connaissance de la circulation du cœur, par exemple, qui est une notion qui n'intervient qu'au XVIIe siècle. Mais il n'empêche qu'il construit son anatomie, Aristote, et Galien à sa suite, et bien d'autres dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et au-delà, sur la base d'une anatomie qui est en réalité fonctionnelle. Chaque organe, d'ailleurs le mot même organe, signifie une partie du corps à laquelle on attribue une fonction. Ça signifie bien que l'anatomie est de bout en bout, en tout cas dans la tradition occidentale, aussi et au fond fonctionnelle, physiologique. Oui. Alors les rapports entre la description et la fonction vont changer, ça c'est certain. Et y compris les attributions fonctionnelles à différents organes. Il y a des organes auxquels on peut attribuer des fonctions tout à fait bizarroïdes, en tout cas sous notre regard contemporain, mais qui ont leur logique dans une ancienne physiologie, si vous voulez. Oui, je pense aussi au fait que Aristote décrit effectivement beaucoup d'animaux. Il ne décrit pas les hommes, mais nous ne pouvons pas parler réellement d'anatomie comparée, même s'il y a des ressemblances morphologiques évidentes et que tout anatomiste peut voir entre la forme des os, par exemple, d'un animal. Il n'en est pas autant, on ne peut pas aller jusqu'à induire une similitude de fonction. Et c'est ça qui peut-être qui va être la richesse profonde du XVIe siècle, c'est d'essayer de voir si à partir d'une similitude morphologique, on peut aller jusqu'à une similitude fonctionnelle. Alors, avant d'en arriver à Galien, peut-être faut-il faire un détour, parce que vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de dissection humaine chez Aristote, chez Hippocrate, a priori non plus, je parle sous votre contrôle. Effectivement, autant qu'on sache, encore faut-il s'entendre sur Hippocrate, qui est 60 auteurs à partir de le 5e et le 2e siècle, donc il y a beaucoup d'Hippocrates. Il n'y en a peut-être aucun qui a vraiment existé, mais enfin il y en a 60 qui ont laissé des écrits, dans lesquels on n'en trouve pas d'attestation claire d'une anatomie humaine. Quoi qu'il y existe un petit traité, probablement assez tardif, qui s'appelle De l'anatomie, dans lequel on a quelque chose qui pourrait être le résultat des notes de cours de quelqu'un qui aurait suivi l'anatomie humaine. Qui se réduit à quelques pages. On note en général, on donne au fondateur ou au créateur de l'anatomie la personnalité d'hérophile, vers moins 300, que l'on estime aujourd'hui avec le recul, Jacqueline Mons, comme le créateur de l'anatomie, c'est-à-dire On pense qu'il y a effectivement, on n'a pas vraiment de texte, on n'a plus que des fragments d'hérophile, mais on pense qu'il a pratiqué et la vivisection, c'est-à-dire l'étude des organes chez le vivant, et qu'il a effectivement décrit l'anatomie humaine. Vincent Barras ? Oui, absolument. Il y a d'ailleurs deux noms, Hérophile et Érasistrate, qui sont deux noms de savants, biologistes, médecins grecs, enfin de la Grèce de l'époque, de la Grande Grèce, ayant été attirés à Alexandrie par les mécènes, les rois Ptolémées, qui les ont attirés dans le musée, qui est cette première institution de recherche, et qui leur accorde le droit de disséquer, dans un cadre de nouveau contrôlé, des cadavres humains, et sans doute, en tout cas, le soupçon se fait le jour très vite, et il est répercuté jusque chez les auteurs romains plusieurs siècles après, qu'ils auraient profité de cette liberté académique, en quelque sorte, pour aller jusqu'à faire des vivisections, c'est-à-dire pour vérifier sur le vivant ce qu'ils constataient sur le mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les premiers que la tradition retient comme ayant fait une anatomie systématique, qui leur permet effectivement de dégager les grands systèmes, par exemple le système veineux, le système artériel, le système nerveux, qui sont les grands systèmes qui organisent la conception du corps et la conception de ce corps anatomique. Et ceci est clairement, historiquement, disons, daté, qui permet de dater les débuts d'un corps qu'on peut appeler anatomique, celui qui est conçu justement en fonction de ces rapports systématiques. Jacqueline Fons. Oui, alors, si le successeur, évidemment, que tout le monde connaît, c'est Galien. C'est Galien. Galien ne dit jamais qu'il a disséqué un être humain. Ça, je crois quand même qu'il faut lui rendre cette justice, même si vous verrez Vézal plusieurs fois le critique, mais ce n'est pas Galien qui affirme cela, c'est plutôt tous ceux qui ont suivi Galien et qui ont transféré à l'homme des remarques qui pouvaient être valables pour l'animal. Et c'est sur cette erreur, je dirais, fondamentale que s'est battu tout le système anatomique et tous les traités que nous avons jusqu'au XVIe siècle. C'est ça, jusqu'à Vézal. Oui. C'est intéressant ce Galien, parce que c'est pour le coup, on a des traces, on a 15 beaucoup. Livres, c'est entre guillemets, alors évidemment on est au IIe siècle hein, à peu près, on est à la Rome antique, on est au IIe siècle avant notre ère, et ça va vraiment être effectivement le début, la trace de l'anatomie pendant des siècles et des siècles. Vincent Barras, cette anatomie galénique, on en parle beaucoup comme effectivement d'une anatomie comparée, parce qu'on a beaucoup de traces d'anatomie sur des animaux et d'anatomie comparative, donc d'extrapolation à partir d'anatomie et de vivisection sur des animaux. Alors Galien expérimente énormément et anatomise énormément d'animaux. Il y a des descriptions d'un éléphant qu'il dissèque à Rome en public. Il y a effectivement aucune trace, en tout cas aucune affirmation de sa part d'une anatomie humaine qui l'aurait menée systématiquement. En revanche, il se réfère à Hérophile et Erasistrate. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on sait, entre autres, que ces deux savants ont existé. Sinon, il n'y aurait plus que quelques fragments, sans doute. Galien était aussi médecin des gladiateurs. Mm-hmm. Donc, nécessairement, il avait une connaissance pratique de l'anatomie lorsqu'il devait soigner du vivant. Et de la chirurgie, effectivement. Donc c'est une anatomie qui est entre guillemets moderne aussi, en ce sens que c'est une anatomie intégrée à une connaissance médicale. Galien échafaude un ensemble formidable de connaissances médicales dans lequel il intègre l'anatomie. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut considérer comme une sorte de départ de l'anatomie humaine. Il y en a plusieurs, à mon avis, dans l'histoire. Il n'y en a pas un à un moment donné. Il y a plusieurs départs. Mais ceci, de façon effectivement paradoxale, comme vous le soulignez, Jacqueline Fons, que l'humain n'apprend pas effectué d'anatomie sur un corps mort systématique. Mais ce que Galien, je pense que Galien admirait, et dit en tout cas dans ses écrits, c'est son admiration pour le corps humain, donc pour la structure même du corps humain. Et je pense que c'est cela qui va permettre à la Renaissance de rebondir sur cette notion de beauté, de petit monde, c'est un microcosme finalement, pour, à une époque où on est vraiment curieux du monde, que ce soit le macrocosme, le microcosme. Il y a une ouverture sur le monde. Et ça peut expliquer pourquoi Galien, qui était une ouverture, va paraître à ce moment-là une fermeture. Il est rigide. Ceux qui répètent Galien s'empêtrent dans la doctrine de Galien et se ferment, au fond, à cette ouverture. Et c'est ce qu'on a déjà le début des anciens et des modernes. Voilà quelques notes de Jean-Sébastien Bach et de son concerto en ré mineur, ici interprété par Simon Preston, pour avancer dans le temps. Alors on va pas sauter directement jusqu'à l'anatomie au XVIIe siècle, on a encore quelques mots à dire sur les époques précédentes, puisque nous faisons tout au long de cette heure une histoire de l'anatomie en compagnie de Jacqueline Vons, qui est latiniste, historienne des sciences, professeure honoraire à l'université de Tours et présidente d'honneur de la Société française de médecine, et avec nous en duplex depuis les studios de nos collègues de la RTS à Lausanne, avec Vincent Barras, qui est médecin, historien et directeur de l'Institut des Humanités en médecine à Lausanne. On disait, hein, la somme de Galien va rester l'alpha et l'oméga de l'anatomie pendant de nombreuses années, pendant plusieurs siècles, et notamment, et c'est ce que j'aimerais que nous débrouillions ensemble maintenant, entre autres à cause de cette interdiction faite par l'Église de disséquer des corps humains. Alors, j'ai trouvé que c'est au XIVe siècle le pape Boniface VIII qui va lever cette interdiction de disséquer, mais vous aviez l'air de vouloir un peu atténuer ou en tout cas préciser cette interdiction faite par l'Église aux médecins de disséquer. Jacqueline Vons. Oui, d'ailleurs Vincent Barras a dit ce qui était en fait interdit, c'était le démembrement. Mais la dissection publique, à titre d'illustration d'un cours, a été pratiquée par exemple à Modena da Luzzi au XIVe siècle. Ce qui était un frein aux dissections, même pour les futurs médecins, c'était essentiellement les conditions matérielles. Il fallait conserver le corps donc en hiver, et le sujet devait être un condamné à mort, enfin plutôt avoir été condamné. Donc, en échange de quoi, il avait des funérailles qui lui étaient faites après avoir été disséqué. Donc ce sont davantage, me semble-t-il, des conditions matérielles et le fait qu'on avait un ou deux cadavres pendant l'année, on n'en demandait pas plus. Dans les statuts des universités, on demande un ou deux cadavres sur l'année. Donc on n'avait pas réellement un besoin de disséquer davantage. Vincent Barras. Oui, oui. Il faut effectivement être très attentif comme historien aux conditions matérielles plutôt qu'aux éventuels tabous globaux qu'on évoque souvent pour expliquer les interdictions. Je crois que c'est bien plus les conditions matérielles difficiles. Un corps se conserve au frais et donc en été, un cadavre, on peut pas le disséquer très longtemps. Au bout d'un ou deux jours, ça n'est plus possible pour des raisons de décomposition. Un jour, me dit Jacqueline Vons. Je me suis surmé. Jacqueline Vons dit un jour, c'est fini. Voir moins. J'en ai moi-même opéré un très grand nombre et j'ai pu constater qu'effectivement, il faut être rapide l'été et l'hiver. Alors dans les conditions qui sont celles de l'époque médiévale, avec le système universitaire, eh bien, les accès sont très limités, les conditions matérielles sont difficiles, ce qui fait que ça empêche, par exemple, le développement d'une anatomie systématique comme celle qui aura lieu du temps de Vésale, qui trouvera d'autres moyens pour contourner ces difficultés matérielles, bien davantage que des interdits d'Église. Encore une fois, ces interdits existent plus dans l'imaginaire de certains historiens que dans les faits. L'Église n'a jamais réellement interdit expressément. Elle a posé un cadre, elle impose un respect du corps humain et du cadavre, ce qui ne veut pas dire qu'elle interdit la dissection. On trouve quelques traités avant celui de Vésale, dont on va évidemment parler, qui est le grand traité d'anatomie moderne, avec tous les guillemets possibles. On trouve, vous l'avez évoqué à l'instant, Modena da Luzzi, au XIVe siècle, et notamment en Italie, où il y a beaucoup de recherches en anatomie, on trouve effectivement à Bologne notamment... Alors, Bologne, Padoue. Padoue, voilà. Voilà, ce sont des grands centres universitaires. Il ne faut pas oublier non plus que la dissection, je dirais, est un motif économique. Ça attire les étudiants. Et dans le grand système de pérégrination estudiantine qui avait lieu à cette époque-là, une ville qui peut offrir à ses étudiants une ou deux séances de dissection, et puis même Vésale ira en 1540, en faire 15 jours de suite, avec plusieurs cadavres, bien entendu, mais 15 jours de suite, des dissections. Alors, on imagine aussi, peut-être, parce qu'on a cette image en tête, la leçon de dissection où on découpe le bonhomme, plus souvent qu'une dame d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, mais... on trouve à Bologne en 1405, le nombre des étudiants en médecine pouvant assister à une dissection est fixé à 20 si on dissèque un homme, à 30 si c'est une femme, la chose étant plus rare. Voilà, et donc, mais en réalité, la plupart des dissections se font sur une lecture consacrée à un membre ou consacrée à un organe. On ne coupe pas entièrement devant les étudiants. Donc effectivement, dans la mesure où la plupart des condamnés étaient des jeunes gens, assez solides, des voleurs, des condamnés, et alors que les femmes étaient souvent condamnées pour infanticide, il y en a moins. Donc ça attirait beaucoup plus, il y a tout le mystère de la naissance, de la conception, dont on ne savait pas grand-chose à l'époque. Comment se passe Vincent Barras à cette époque-là, au 14e, 15e siècle, c'est-à-dire avant Vézal, puis après Vézal aussi, une séance de dissection, ça n'est d'ailleurs jamais vraiment le professeur ou le médecin qui dissèque, ce sont les barbiers. Effectivement, il y a tout un rituel ou une organisation autour du cadavre dont s'approche et que touche et que découpe les chirurgies, les chirurgiens ou barbiers, enfin les aides qu'on dirait aujourd'hui sans beaucoup d'éducation médicale, ils n'ont pas un diplôme de médecin. Et derrière, et les gravures nombreuses qu'on a de cette époque, de l'époque médiévale jusqu'au XVIe siècle, montrent le professeur d'anatomie, le médecin qui, lui, lit le livre. En général, c'est Galien, le livre, c'est les procédures anatomiques de Galien, ce grand traité en 15 livres qui décrit l'ensemble du corps humain, donc une anatomie complète du corps humain, et qui ouvre un chapitre, et aujourd'hui on s'occupera du bras, et bien on voit, et il indique ce qui est écrit dans Galien et ce qui est attesté dans sur le cadavre sur lequel opèrent les chirurgiens de bas niveau, si vous voulez. Donc évidemment, avec un système comme ça, on perpétue un enseignement plutôt qu'on ne vérifie l'exactitude du traité par rapport à ce que la nature révèle. Et c'est d'ailleurs ce qui sera le grand reproche que certains à la Renaissance feront à ce système-là, qui a tendu à perpétuer les erreurs, entre guillemets, de Galien, et donc à faire passer Galien, au moment où on commence à le critiquer, pour un vieux pédant et un mauvais anatomiste, ce qu'il n'était pas. Jacqueline Von, sur ce déroulé de l'acte d'anatomie, devant toujours une assemblée de plusieurs étudiants ou étudiantes, enfin surtout étudiants d'ailleurs à l'époque. Oui, essentiellement. Oui. Le problème aussi, ce que Vincent Barras vient de soulever, c'est que lorsqu'on dissèque en public, on commence par la peau. Et donc, on ne peut montrer pratiquement que ce qui est à la surface, sous la peau. Donc, on dissèque beaucoup de muscles. Et parce que ça se voit, et si vous avez autant de représentations des tendons de la main qui sont disséqués, c'est parce que c'est spectaculaire. Et tout le monde peut le voir, même si quelqu'un est mort. Donc, alors que si vous voulez aller dans les muscles profonds ou jusqu'aux os, il faut une préparation du cadavre qui doit se faire en amont. Et donc tout ça n'est pas nécessairement acquis au XVIe siècle. Je pense que c'est Vézal qui, le premier, va essayer de préparer le cadavre et de faire une réelle description de l'intérieur. Donc ouvrir pour voir et ouvrir pour connaître. Venons-en à André Vézal. On est au début, dans la première moitié du XVIe siècle, dans les années entre 1500 et 1550. Et pour reprendre ce que vient de dire Vincent Barras à l'instant, ce qui est intéressant chez Vézal, c'est que précisément, il n'est plus juste dans la lecture de Galien, dans la confirmation de Galien. Vézal va ouvrir à nouveau pour apprendre, pour corriger Galien, Jacqueline Bons. Oui, alors... si on prend le frontispice de la Fabrica, qui est vraiment très célèbre. Alors la Fabrica, qui est De Humani Corporis Fabrica, Libri Septem, en 1543, qui est la grande somme, le grand traité anatomique de Vézal. Qui est en latin. Et le frontispice montre en fait André Vézal, qui réunit à lui seul les trois fonctions que Vincent Barras a énumérées tout à l'heure. Il est à la fois le théoricien, il parle, mais il ne parle pas sur un livre. Il parle d'après le corps qu'il a sous les yeux. Il montre aux étudiants l'endroit qu'il va expliquer et il dissèque, il coupe. Donc il est vraiment descendu de sa chair tout en restant, et ça j'insiste beaucoup, celui qui a la maîtrise du geste et de la connaissance. Vincent Barras, je rajouterai une quatrième fonction, c'est celui qui écrit. et qui publie. Ça, c'est, à mon sens, j'ai peut-être une interprétation un peu non orthodoxe de Vézal, enfin, auquel je reconnais effectivement tout ce que vient d'être dit à son sujet. Je reconnais aussi l'importance chez lui de l'écriture, c'est-à-dire la maîtrise de non seulement du scalpel, mais du stylet qui lui permet d'écrire. Et d'ailleurs, effectivement, dans cette fameuse, ce fameux frontispice, symboliquement, le stylet est juste à côté du couteau qui a permis. Donc, on passe vraiment du couteau au stylet pour décrire comme si le corps lui-même s'écrivait sur la page. Et la maîtrise de Vézal et de son équipe dans le processus de diffusion de ce savoir par l'écriture est impressionnante. C'est le moment où les imprimeurs, d'ailleurs c'est un imprimeur balois en Suisse qui à l'époque imprime cette somme de Vézal. C'est un travail considérable qui implique des graveurs formidables. C'est les personnes qui ont effectué les planches de Vézal sont des artistes italiens de haut niveau. Et la maîtrise de la gravure, du texte, du rapport du texte et de la gravure est une des grandes qualités, à mon avis, de l'opération de Vézal, en plus de son talent de dissecteur, bien entendu. Oui, parce que, évidemment, ce qui va avec Vézal, c'est aussi, et ce qui va être une nouveauté, en tout cas qui va être perpétuée pendant les années suivantes, ce sont les traités, les grands traités anatomiques, qui sont rendus possibles, oui, évidemment, comme vient de le dire Vincent Barras, par le développement de l'imprimerie. Jacques Lévance. Oui, et justement, je pense au fur et à mesure que j'avance dans la traduction de cette fabrique qui n'existe pas en français encore, je constate que ce n'est pas réellement un traité, c'est un livre qui est destiné à un public. Et le lecteur se trouve dans la situation du public qui assistait aux dissections de Vézal. Il y a là tout un jeu de prise de parole, d'oralité, dans lequel il associe le lecteur, comme il associait probablement les étudiants, à ce qu'il découvre. Il y a des promesses aussi. Nous allons voir bientôt. Il leur demande de faire des petits exercices, des manipulations, que je ne peux pas dire expérimentation, parce qu'elle n'est pas encore reproductible, mais il y a un art d'associer le lecteur à la découverte du corps humain, qui fait qu'on est dans le livre. Et il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on parle de la Fabrica, mais Vézal ne publie pas que la Fabrica. Il y a un livre à ce titre très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, Jacques Lévance, c'est l'Épitome. L'Épitome qui est publié également en 1543 sur le corps féminin et dans lequel il y a précisément... Ah non, alors je dis des erreurs. Dans lequel il y a des planches, en tout cas ce que je veux dire, c'est que dans lequel il y a des planches et avec des grands feuillets que l'on peut découper, coller pour avoir une sorte de réplique de corps en trois dimensions grâce à des feuillets imprimés. Voilà, oui. Vous pouvez me corriger maintenant. L'épitomé, c'est en fait un résumé, mais alors vraiment résumé, destiné aux étudiants. En fait, une espèce de savoir minimal nécessaire et avec une terminologie que Vézal estime indispensable et pour une structure, un nom. C'est vraiment son idée très forte. Dans tous les noms qui existaient à l'époque pour désigner une structure, plus personne ne s'y retrouvait, d'autant plus qu'on avait généralement peu de planches. Donc lui décide d'attribuer à chaque structure précise un nom. Et il affirme d'ailleurs qu'il veut poursuivre ce travail dans ce sens-là. Et dans l'épitomée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il met à égalité le texte descriptif, qui est très bref finalement, et la série des planches, en disant à l'étudiant qu'il peut commencer par les planches ou par le texte descriptif à sa guise. Et les planches descriptives se terminent par deux planches à découper. Et donc on a fait l'expérience, d'ailleurs, on a essayé. Et effectivement, les proportions sont telles que chaque planche est, comme vous le disiez, en trois dimensions. Les gerbes, on peut les coller les unes sur les autres, les superposer. Donc ça, c'est vraiment montrer ce souci pédagogique. Parce que pour moi, Vézal, c'est anatomiste, oui, mais c'est aussi professeur d'anatomie. Et là, il va très loin. Vincent Barras, sur cette épitomée, sur ces planches à découper, le début des grands traités d'anatomie, puisqu'il va y avoir dans la suite de Vézal plusieurs traités un peu partout en Europe. Oui, à vrai dire, les grands traités d'anatomie, il y en a eu dans l'Antiquité. Simplement, ils n'avaient pas les moyens techniques de la reproduction. Et donc, ces grands traités sont d'un autre statut, je dirais même épistémologique. Et avec Vézal et ses collègues de l'époque, il n'est pas tout seul au monde, Vézal non plus, eh bien, il y a notamment les imprimeurs qui font partie de ses collègues qui changent le statut épistémologique de l'anatomie en ce sens qu'elle devient un savoir écrit et avec ce rapport que décrit Jacqueline Vons de façon très précise, effectivement, c'est absolument admirable de voir à quel point la précision de la planche répond à la précision du texte, aux index, et enfin il y a un système extrêmement complexe de renvoi de l'un à l'autre qui fait de ces ouvrages qui transforme l'anatomie du fait qu'elle est inscrite dans ces ouvrages. Et c'est le début, à partir de la Renaissance, du fait aussi de la civilisation du livre, dans laquelle désormais l'humanité, en tout cas occidentale, est entrée, d'une longue série de traités d'anatomie qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Hein. Au XXe siècle, vous avez des splendides ouvrages d'anatomie qui doivent directement leur constitution, leur forme, leur esprit et le type de corps qu'elles produisent devant vous à l'époque de Vézal et de la Renaissance. Un mot pour avancer un peu, puisque l'heure avance et que notre devoir est d'avancer et d'accompagner cette avancée de l'heure par l'avancée dans le temps avec l'apparition et la spécialisation de l'anatomie à la fin du XIXe siècle. Avec le microscope apparaissent l'histologie, l'anatomie physiologique, l'anatomie fonctionnelle. On commence pour le coup à faire des liens, à faire des passerelles entre tout ce qui a été décrit, tout ce que l'on connaît sur ces planches et de mieux en mieux la manière dont tout cela fonctionne ensemble, Jacqueline. Alors vous me dites, on connaît de mieux en mieux, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, le XVIIe siècle, je pense à Descartes, à Willis, bien sûr, ce sont des traités, évidemment, où l'anatomie joue un grand rôle, bien que Descartes ne soit pas médecin ou anatomiste, je pense surtout à Willis, mais où l'anatomie a malgré tout un but philosophique. Il s'agit de montrer là le lien entre l'esprit et le corps. Et je pense que vraiment l'anatomie purement anatomie, à part Vézal, il faudra peut-être attendre Steno. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 bientôt, nous avançons dans notre histoire de l'anatomie en compagnie de Jacqueline Vons et de Vincent Barras. En 1803 est fondée la Société anatomique de Paris par Lennec et Dupuytren, qui pose les bases de l'anatomie pathologique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez eu le privilège rare d'entrer dans un endroit interdit, aujourd'hui interdit et fermé au public, ce n'a pas toujours été le cas, c'est précisément la collection d'anatomie pathologique du docteur Dupuytren qui est cachée sous le campus de Jussieu. Cachée, on en reparlera. En tout cas, cette collection, elle regroupe quelques 6000 objets d'anatomie pathologique, allant des moulages en cire, aux échantillons dans des bocaux avec fixateurs, en passant par des ossements et des outils utiles à la dissection, des images et j'en passe. La collection était donc, on le disait, ouverte au public jusqu'à récemment, mais par souci de conservation, elle a été rapatriée dans les locaux de Sorbonne Université sous le campus de Jussieu. Je vous propose donc de commencer sans attendre cette visite en compagnie de Daniel Seyant, qui est neuropathologiste à la Pitié-Salpêtrière, professeur d'anatomie pathologique du système nerveux et responsable scientifique de la collection du docteur Dupuytren. On sera rejoint à la fin de cette visite par Héloïse Quettel, qui est responsable de ces collections médicales et qui est par ailleurs conservatrice, restauratrice à Sorbonne Université. C'est un musée d'anatomie pathologique qui en effet collectionne des états de la maladie, des lésions tissulaires. Et c'est l'une de ses originalités par rapport à ce que l'on peut rencontrer dans d'autres collections universitaires qui sont souvent des musées d'anatomie. Donc celui-ci est vraiment un musée dont l'essentiel des collections a été regroupé au XIXe siècle. À la fois lors des progrès de la chirurgie, qui a permis donc d'extraire des lésions chez le vivant, et également le développement de l'hémoclinique, qui a permis donc de faire une corrélation entre le patient examiné par le médecin et ensuite les lésions observées à l'autopsie. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette collection? Parce que là, sur les étagères qui nous entourent, il y a plusieurs types d'échantillons, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, on peut trouver donc des cires, donc des moulages, à partir de lésions observées par les cliniciens. On peut observer une collection d'ossements, de crânes, pathologie osseuse. On peut observer des pièces opératoires en bocaux, en fluide, Donc ils sont conservés dans des fixateurs. C'est le cas, par exemple, de cette collection de neuropathologie. De cerveaux qui sont dans des bocaux devant nous. Voilà, donc il y a en particulier le cerveau qui est notre Joconde. C'est la pièce la plus demandée pour des prêts ou pour des visites, qui est en fait le cerveau d'un patient que l'on avait surnommé Tantan, parce qu'en fait, il avait une lésion qui causait un trouble du langage. Et il avait été étudié à l'hôpital Bicêtre par Paul Broca. Et quand ce patient est décédé, Paul Broca a extrait le cerveau, et sans le découper, vous voyez, toujours entier, et où on peut observer cette lésion, en fait, qui est connue comme étant l'aphasie de Broca. Et ça a été vraiment un travail fondateur de la localisation anatomoclinique en neurologie pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de pièces de cette collection qui ont eu une importance dans l'histoire de l'anatomie pathologique ? Il y a le squelette d'une ostéomalacie gravissime. L'ostéomalacie, c'est un ramollissement des os dû à une carence vitaminique. Ce squelette qui correspond en fait à celui d'une femme adulte et qui tient dans cette boîte de verre. C'était une dame qui vivait dans les années 1750 et qui avait eu de multiples enfants et qui, par carence, en fait, avait développé cette terrible maladie des os. Donc, en fait, ce qu'ont montré les médecins contemporains qui ont gardé son squelette, c'était les ravages de cette maladie. Bon, maintenant, c'est une pièce totalement étrange, parce qu'on ne voit absolument plus, bien heureusement, ce genre de pathologie, puisqu'il y a des méthodes de prévention. Mais c'est vrai que, comme d'autres pièces de ce musée, c'est une sorte d'instantané un petit peu long sur une période de plus d'un siècle, de ce que pouvait être la pathologie avant que l'on puisse introduire des traitements soit curatifs, soit préventifs, comme dans ce cas. Et pourquoi c'est si important de ça, de rappeler que c'est pas un cabinet de curiosité, mais bien une collection d'anatomie pathologique? Et pourquoi ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel? Dans la constitution de ce musée, les médecins qui ont contribué à la collection, en fait, avaient traité, suivi ces patients et posent une véritable question médicale. L'accumulation de pièces n'est pas là en premier lieu, a priori, pour surprendre ou pour choquer ou pour étonner. Ce n'est pas son but premier, même si ça peut être assez impressionnant. C'est vraiment un sujet d'étude et un sujet d'enseignement, même si aujourd'hui, en effet, ce sont des pathologies qu'on ne voit plus sous nos climats, en tout cas. Vous, en tant que praticienne aujourd'hui, est-ce que cette collection vous intéresse à premier titre et est-ce qu'elle intéresse les médecins aujourd'hui encore ? Je pense que spontanément, beaucoup de médecins n'éprouvent pas forcément de l'attrait ou de l'intérêt à visiter ces collections-là et que l'enseignement de la médecine aujourd'hui ne passe pas par ces outils-là. D'une part parce que les pathologies qui sont montrées là, on ne les voit plus, on ne les voit plus en tout cas des stades aussi évolués. Et puis on est plutôt dans une période où on a tendance à virtualiser, à reconstituer, à s'éloigner un petit peu du sujet. On le voit avec la décroissance des demandes d'autopsie médicale, qui sont considérablement raréfiées tout au long des 50 dernières années, mais tout particulièrement dans les 20 dernières. Donc c'est vrai que cette exposition des lésions ne correspond plus tout à fait au rapport qu'ont les médecins avec leurs patients. Alors, on a vu plusieurs éléments. Et il y a une autre partie de cette collection-là qui est assez impressionnante, c'est tous ces moulages en cire. Alors là, par exemple, nous avons toute une série de déformations faciales qui, en fait, la mettent en évidence, alors, au-delà de l'aspect d'enseignement qu'elles avaient à l'époque, montrent le moyen qu'ont eu les médecins de cette époque-là de figer dans la cire quelque chose qui était fugace. Parce que autant on peut conserver une pièce anatomique dans un fixateur, autant ces moulages, en fait, sont la représentation d'un patient qui serait difficile de montrer ou impossible à montrer en prenant la pièce anatomique fixée. Donc c'est une reconstitution à visée pédagogique. Donc là, on est face à toute une galerie de becs de lièvre, hein, j'ai l'impression, c'est ça ? Oui. Avec chirurgie après et avant chirurgie. Il y a par exemple cet exemple-là qui illustre justement un avant-après et qui là aussi illustre une phase du progrès de la prise en charge des patients qui correspond en fait au tout début de l'anesthésie, puisque ces becs de lièvre, avant la fin du XVIIIe siècle, étaient impossibles à traiter. Et en fait, là, le médecin qui a fait cette intervention, en fait, faisait une anesthésie locale et assoupissait un petit peu son patient avec de l'éther, et en fait, arrivait à faire une reconstitution faciale, comme on le voit ici, tout à fait, satisfaisante. Oui. Et seule la cire peut donner cette impression de avant-après. Oui. Et la particularité surtout, c'est qu'en fait, au 19e siècle, on n'a ni la photographie ni les rayons X pour représenter justement toutes ces pathologies, et que ces cires anatomiques, à partir de la fin du 18e, même en partie à la fin du XVIIe, courant XVIIIe et surtout XIXe siècle, vont énormément aider à l'apprentissage, à la pédagogie des étudiants et surtout entre médecins aussi à montrer et à faire se suivre l'enseignement et à montrer certains types de pathologies et vont notamment aussi aider d'un point de vue esthétique et de lecture esthétique de la pièce, mais aussi au niveau du toucher. Ici, on a par exemple un exemplaire d'un foie avec des tumeurs. Et du coup, en fait, ce foie a été manipulé par les étudiants et ça a notamment permis ce qui aujourd'hui est appelé la palpation clinique et a déterminé justement en touchant le patient sans avoir à l'ouvrir ces différentes tumeurs dans le foie et déterminé justement cette pathologie. Voilà le reportage du jour dans la collection d'anatomie pathologique du docteur Dupuytren qui est sous le campus de Jussieu. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jacqueline Vance? Je crois que c'est un grand problème aujourd'hui, justement, qui n'est pas uniquement médical, mais qui est vraiment un problème sociétal. Que faire des restes humains? Alors, au musée de Montpellier, la faculté a recueilli beaucoup d'épouses précisément qui venaient du musée Dupuytren. Bon, au moins, elles sont sauvées. Je ne crois pas qu'elles fassent uniquement partie d'un patrimoine, c'est un mot est à la mode aujourd'hui, qu'on mettra sous ses lits ou sous vitrine. Ces restes humains sont nécessaires à la connaissance, me semble-t-il. Et on verra peut-être pourquoi. Vincent Barras. Oui, je pense qu'il y a, outre l'aspect de que fait-on des restes humains, à qui ils appartiennent, hein, ce foie, il n'a pas tenu qu'à quelqu'un un jour, donc il y a des questions éthiques qui aujourd'hui se posent, qui ne se posaient pas au moment où ces restes ont été produits. Il y a aussi la question philosophique de savoir quel type de corps on connaît quand on le connaît sous cette forme-là. Je crois qu'on peut aussi se dire qu'il y a d'autres façons de connaître le corps. Il y a d'autres corps que nous avons, qui ne sont pas nécessairement des corps anatomiques. C'est une façon qui a été particulièrement étudiée en Occident et développée en Occident. Il y a d'autres façons qui existent et qui sont tout aussi intéressantes du point de vue historique, en tout cas à considérer, ce qui permet aussi de relativiser notre savoir par rapport au corps et nos connaissances scientifiques contemporaines. Et ce sera le mot de la fin puisqu'il est déjà 16h53 et que comme tous les jeudis, c'est l'heure de retrouver la Bibliothèque des sciences, hein, les grands ouvrages scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences au fil des siècles. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on va retourner écouter quelques mots de René Descartes et des principes de la philosophie. C'est l'historien des sciences Michel Blais qui nous en parle. La Bibliothèque des sciences. Je vais présenter un texte de Descartes, issu des principes de la philosophie. C'est publié en 1644 dans la traduction de l'abbé Picot. Et c'est le paragraphe 39 du deuxième livre. Il y a quatre livres. C'est le deuxième livre et c'est celui qui porte sur la science du mouvement. Et c'est là où Descartes formule, disons un peu pour la première fois, mais il y a des nuances, on verra dans le texte, le principe d'inertie, à la manière de Descartes, parce qu'il le reformulera plus tard de façon plus complète, avant que Huygens le formule et Newton aussi le formule de façon définitive. Et évidemment, le texte est un peu étrange pour un physicien d'aujourd'hui. Donc, paragraphe 39. La seconde loi que je remarque en la nature est que chaque partie de la matière en son particulier ne tend jamais à continuer de se mouvoir suivant des lignes courbes, mais suivant des lignes droites, bien que plusieurs de ces parties soient souvent contraintes de se détourner parce qu'elles en rencontrent d'autres en leur chemin et que lorsqu'un corps se meut, il se fait toujours un cercle ou un anneau de toute la matière qui est mue ensemble. Cette règle, comme la précédente, dépend de ce que Dieu est immuable et qu'il conserve le mouvement en la matière par une opération très simple, car il ne le conserve pas comme il a pu être quelque temps auparavant, mais comme il est précisément au même instant qu'il le conserve, et bien qu'il soit vrai que le mouvement ne se fait pas en un instant, néanmoins il est évident que tout corps qui se meut est déterminé à se mouvoir suivant une ligne droite et non pas une circulaire. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer dans ce texte. D'une part, le monde de Descartes est un monde plein, c'est la raison pour laquelle le mouvement se fait toujours en cercle. Et non pas, donc il n'y a pas spontanément de mouvement en ligne droite. Le mouvement en ligne droite pour Descartes est toujours une tendance. Donc le corps a toujours tendance à partir en ligne droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas question de vitesse dans ce texte. C'est-à-dire dans le principe d'inertie, c'est à vitesse. On parle toujours de principe à une certaine vitesse. Là, il n'est pas question de vitesse, il y a simplement d'une orientation. Donc il n'y a pas chez Descartes au sens strict de cinématique, c'est-à-dire de vitesse, pouvoir croire qu'il y a une vitesse. Et autre point intéressant, c'est que tout cela dépend de ce que Dieu est immuable. Alors pourquoi a-t-il besoin d'un Dieu immuable ? Parce qu'il faut bien fonder les lois. Et comment fonder les lois si ce n'est en les fondant sur Dieu ? Et puisque Dieu est immuable, les lois ne changent pas. Ce sont les mêmes lois. C'est donc l'immutabilité de Dieu qui fonde les lois de la physique. Du moins les lois de la physique, les lois du mouvement dans la deuxième partie des principes. Voilà, c'était la Bibliothèque des sciences, les principes de la philosophie de René Descartes par Michel Blais, Vincent Barras, Jacqueline Mons. Un mot peut-être, alors Jacqueline Mons, on a entendu que vous étiez en train de traduire la Fabrica de Vézal qui n'est pas encore traduite en français, mais aujourd'hui il y a des traités d'anatomie importants que l'on peut consulter, que l'on peut compulser, acheter, auxquels on peut se référer si on a envie de s'intéresser à l'anatomie, Jacqueline Mons. Oui, mais le classique, mais qui devient déjà pratiquement obsolète, c'est le Rouvière. C'est celui que des générations de médecins ont utilisé, ont lu, qui est aussi bavard que Vézal, aussi beau, aussi... Qui date de Les premières éditions, je... Ah, bonne question. C'est une bonne question. Vincent Barras, les années 30. Dans les années 30, non, oui. Bon, je dis, j'ai une édition des années 50 passées, mais je... Et puis, il est actualisé... régulièrement, y compris dans le vocabulaire, dans le lexique. Voilà. Vincent Barras, vous, si vous aviez un traité à conseiller ? J'aime bien le Rouvière, parce que je trouve que son langage est très fleuri et un peu daté, évidemment, aujourd'hui, mais extrêmement riche. Le Grey's Anatomy, d'où a été tiré, dont s'est inspirée la série Grey's Anatomy, justement, est aussi un ouvrage de référence qui date du 19e siècle, qui a connu de multiples éditions jusqu'aux éditions numériques contemporaines. Et tous ces ouvrages, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas de les saisir en un moment arrêté, mais dans leur dynamique. Ils proposent une vision dynamique du corps humain si on les considère dans leurs différentes éditions successives. Et le Grey's Anatomy est un chef-d'œuvre aussi de ce point de vue-là. Et bien voilà, le Rouvière ou le Grey's Anatomy, ou sinon Anatomie de Vézal au virtuel. Votre ouvrage, Vincent Barras, auquel on peut se référer pour une histoire de l'anatomie, c'est chez BHMS Éditions. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jacqueline Vons, merci Vincent Barras. Un petit mot pour vous dire que samedi prochain, pas ce week-end, le week-end d'après, ce sera le troisième et dernier forum l'année vue par les savoirs tout au long de la journée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On déclinera le thème des révolutions de l'intelligence le matin avec la philosophie et l'histoire, l'après-midi l'économie et les sciences pour ce qui nous concerne. Nous parlerons de 15h30 à 16h30 de l'intelligence artificielle. Est-elle vraiment intelligente? Est-elle finalement un peu bête? Voilà, on essaiera de trancher ça avec nos invités. Vous pouvez venir, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site de la maison de la radio. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Avitienne, Sarah Higemans, Noémie Naguet, Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Yanis Joudad à la technique. La suite de vos aventures dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire sur les femmes de science par Olivier Chomel et Vincent Deck. Il n'y aura pas de grain à moudre pour cause de grève, et pour ce qui nous concerne, eh bien demain c'est un vendredi fiction. On verra grand, on verra gros, il va y avoir de la ville détruite, de l'immeuble démoli, des explosions à gogo. Nous parlerons Kaiju Eda contre Mecha, c'est-à-dire Monstre contre robot géant, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.